Première partie, chapitre 19e de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint-François de Sales. Première partie, chapitre 19e de l'esprit avec lequel il faut faire sa confession générale. Voilà, Philothée, les méditations les plus nécessaires à votre dessein. Quand vous les aurez faites, allez-vous-en avec beaucoup de courage et en esprit d'humilité faire votre confession générale, mais ne permettez pas, je vous prie, qu'aucune vaine frayeur trouble votre âme. Vous savez que l'huile de scorpion est le meilleur remède contre le venin du scorpion même. Sachez aussi que la confession du péché est le souverain remède du péché même, dont elle détruit toute la confusion et toute la malignité. Oui, la pénitence a tant de charme et est d'une si bonne odeur pour le ciel et sur la terre qu'elle efface toute la laideur du péché et en dissipe toute l'infection. Simon le lépreux disait que Madeleine était une pécheresse, mais notre Seigneur disait que non, et ne parlait plus que du parfum qu'elle avait répandu dans la salle de ce pharisien et de la grandeur de sa charité. Si nous sommes bien humbles, Philothée, nos péchés déplairont infiniment parce que Dieu en a été offensé. Mais la confession de nos péchés nous sera douce et consolante parce que Dieu en est honoré. C'est une manière de soulagement pour un malade que de découvrir au médecin tout le mal qu'il sent. Quand vous serez au pied de votre Père spirituel, imaginez-vous que vous êtes sur le calvaire, au pied de Jésus crucifié, et que son précieux sang distille de toutes ses plaies sur votre âme, pour vous laver de vos iniquités. Car véritablement, c'est l'application des mérites de son sang répandu sur la croix qui sanctifie les pénitents dans la confession. Ouvrez donc entièrement à votre confesseur tout votre cœur pour le décharger de vos péchés, et vous le remplirez en même temps de bénédictions par les mérites de la passion de Jésus-Christ. Accusez-vous avec beaucoup de simplicité et de sincérité, et une bonne foi en votre vie, satisfaites si bien votre conscience sur cet article qu'il ne vous en reste plus d'inquiétude. Après cela, écoutez avec douceur et docilité les avis salutaires du ministre de Dieu et la pénitence qu'il vous imposera. Oui, c'est assurément Dieu que vous écoutez alors, puisqu'il dit à ses ministres « Celui qui vous écoute, m'écoute moi-même ». Après avoir entendu tout ce qu'il aura voulu vous dire, prenez en main la protestation suivante que vous aurez lue et méditée avant la confession et qui doit terminer cet exercice de la pénitence. Prononcez-la avec le plus d'attention et de componction de cœur que vous pourrez. Fin du chapitre 19e. Première partie.